C'est... Alors maintenant, c'est le grand quiz, le premier quiz de la soirée. Voilà, c'est Raphaël qui parle. Oui. Oh, il y a un petit... C'est dans le casque, le grésillement ? Oui, oui, c'est dans okay. le casque. On est en train de régler ce problème. Tu me le mets un peu près. Alors, attendez. Il y a plein de gens. On va attendre qu'il y ait un peu de calme dans le studio, s'il vous plaît. Attention, avec la bouteille de... Excusez-moi d'exiger. Est-ce qu'on peut enlever les bouteilles, s'il vous plaît, de la table ? Et le petit bonhomme bleu aussi. Ouais, le bonhomme bleu qui ne soit pas touché. Alors, là, on est toujours en train de meubler. Il y a plein de gens. Le gros bordel, le dawa, le crashnard, comme on dit. Parce qu'en fait, dans le limousin. C'est assez étrange. D'accord. C'est normal que le micro, il n'arrête pas de... Oui, oui. C'est Pierre, vas-y. Vas-y, Pierre, question, je vais savoir si mon micro est bien. Vas-y, Victor. Tu veux intervenir, mon jeune ami ? Alors, s'il vous plaît, alors je vais... Excusez-moi, je demande à l'empereur. L'empereur, votre personnage préféré. Est-ce que tous les micros sont bien réglés ? Est-ce que ça sature pas trop ? Est-ce que tout Ou est-ce va que bien c'est le gros bordel chez les gens ? Voilà, ouais. C'est un peu le problème. Oh là là. Ah, ils sont pas doués, les filles, hein. Si vous aussi vous détestez Kawan, envoyez un petit message dans les commentaires. Non, il y a des gens qui t'aiment dans les commentaires, j'ai vu la vidéo. Si, il y a des gens qui ont mis Kawan, on t'aime. Oui, wow. Je confirme. Alors, je pense. Alors là, il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Donc, il y a, on va présenter un peu les participants du Nagui Quiz. Attends. Entièrement masculin, d'ailleurs. Attends, malheureusement. Avant. Voilà. Attends. Ouais. Calme-toi, Denis. Voilà. S'il vous plaît. Un peu de calme, s'il vous plaît. Ceux qui sont pas au micro, évitez de parler. De hurler. Voilà, merci. Alors, bonsoir. Alors, excusez-moi, adressons-nous à l'empereur. Ah. À qui c'est-il qu'on appelle ? À l'empereur. À l'empereur. À qui c'est-il qu'on appelle ? À l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qui se passe ? Que veux-tu nous dire ? Alors, on va régler un problème de micro et en même temps... Faire une émission. On va faire une émission et du coup, on va meubler. Est-ce qu'on va faire... Est-ce que tu veux que je fasse une petite chanson ? Non, je voudrais qu'on me laisse parler comme ça, que personne d'autre ne parle dans les micros. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on est méchants en fait. On fait semblant d'être gentils, mais on est vraiment une bande d'hypocrites. Alors, y a-t-il... Qu'est-ce que j'ai dit sur les pas ? Il y a plus de problème de grésillement ? C'est bon. Voilà, le problème est réglé. Nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. L'empereur. Merci Kawan et l'empereur. Non, merci l'empereur. C'est le plus grand d'entre nous. Du coup, 7h un peu surchargée. Il faut aller fermer la porte aussi. Alors, des problèmes de portable. Alors, on va reprendre le running gag habituel. Alors, c'est à 14 ans qu'un biche. Qu'un jeune Mahout m'a appris. Non, pardon, on me dit dans l'oreillette. Bon, ça va commencer. On me dit dans l'oreillette que ça va commencer. Plus tard, je raconterai cette histoire. Mettez j'aime Kawan pour avoir la suite. Alors là, c'est parti pour le premier quiz de la soirée. Celui qu'on appelle le Nagui Quiz. Alors, qu'est-ce que le Nagui Quiz ? Qu'est-ce que c'est dit quoi donc le Nagui Quiz ? Le Nagui Quiz, c'est simplement le premier quiz audiovisuel français consacré au meilleur. Présentateur français du monde. Faut le dire, le meilleur quand même. Le meilleur, le meilleur. Best. Applaudissons-le. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est qui ? C'est évidemment Nagui ! Nagui, ah oui. Oh. Donc. Une minute de silence pour Nagui. Il est mort. Merci Nagui. Non. Alors, on va tous jouer chacun pour sa poire. Et alors, je veux pas de calme. Je veux pas de calme. Je veux pas de calme. Je veux que ce soit le bordel. Foutez-moi le bordel. Je me trompe bien. Je veux pas de calme. Je veux pas de bordel. On lève sa main quand on a la réponse à la question. On peut pas buzzer genre... Comme à l'école. Non. Ah. C'est le premier au plus vite qui lève sa main. Alors, j'ai oublié de présenter les participants. Comme un idiot. Alors, on a Victor, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Elliot. Bah, dis bonjour parce qu'en fait c'est de la radio. Du coup... Bonjour. Oh putain. Ah, oh, cette voix m'a donné un ASMR. Il y a Rémi. Bonsoir. Rémi, que vous verrez un peu plus tard dans la matinée. Alors, on se revoit vite. Petite histoire. Rémi Magic, ou Denis Magic, comme j'aime l'appeler, est un magicien hypnotiseur. Et si vous êtes courageux et que vous voulez rester avec nous jusqu'à la fin de cette nuit, sachez que vous pouvez retrouver son apparition à partir de... 10h demain matin ? Non, c'est 9h. Ou c'est 10h ? Non, c'est 10h. C'est 10h. Il était 10 au courant. Il était au courant. Voilà. Pas moi. Excellent. Donc il y a Kawan, bien sûr, hein, depuis le début, le chairman de cette première édition de la Nuit Anonyme. À côté de moi, il y a Simon, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Et il y a Jacques. Bonsoir. Le magnétisé. Que vous pouvez aussi appeler Capsuleman. Oui, voilà, Jacques, Capsuleman. Qui est aussi à temps libre. Tu es dresseur. Danseur de d'hippopotame. Oui, voilà. Bien sûr. Dresseur d'hippopotame. une catégorie de travail que l'on représente assez peu et dans les médias surtout, français. Surtout à la NPE. Donc n'oubliez pas d'aller voter dimanche. 36-37. Ouais. Moi personnellement, je suis nourrisseur d'animaux dans la rue. Ah, c'est très bien, très, cause, beau, hein. Très beau métier. Bref, et qu'est-ce qui se passe si on ne vote pas ce week-end ? Quoi ? On n'oublie pas de voter ce week-end ? Ah, mais si tu le fais pas. Et si je peux pas ? Ah, si vous ne pouvez pas, il y avait toujours. Alors la là, ça, c'est un peu trop tard, mais il y a toujours la procuration qui est une solution idéale et très simple vraiment à faire. Donc voilà, si pour les prochaines élections, si vous savez que vous ne pouvez pas être présent jusqu'à la fin, être présent, et ben vous pouvez toujours faire une demande de procuration. Pardon. Tu sais ce que je ferais à la place d'aller voter, Kawan ? Donne pas de coup dans le. Non, mais je regarderai Nagui. Tout le monde va prendre sa place à la télé. On pense à lui. À midi, tous les jours sur France 2. Et à 18h, dans N'oubliez pas les paroles. Alors, vous êtes prêts, toutes et tous ? Ouais. Pour le... Alors, c'est un quiz autobiographique, c'est-à-dire qu'on va voir toute la vie de Nagui au fur et à mesure des questions. Donc, juste biographique ? Non, autobiographique. Parce que c'est moi qui ai écrit les questions en collaboration avec lui. Ah, est-ce que tu peux nous mettre le générique, les génériques des émissions de Nagui, s'il te plaît, Kawan, en guise d'arrière-plan sonore ? C'est parti. Vous êtes tous prêts, chauds ? Oui. Oh, vous êtes tous chauds là, je suis content. Ouais, wow. Oui. Alors, première question. Quelle est la date de naissance de Nagui ? 1954. 62. Non. 63. 52. J'ai dit qu'on levait la main. Mais oui. Long, 70. Non. 84. Non. 65. Non. Ah. Vas-y. 67. Non. Moins. 64. 64. Moins. 63. Non, moins. 62. Moins. 63. 60. 61. 61. Voilà, 61. Ah, quand même. Ça fait deux marshmallows pour Simon. Ah, je suis content. Il est né. Il est né. Ça fait trois miams. Très exactement, le 14 novembre 1961. Où est-il né ? À Oran. Non. Il faut lever ta main, tu comptes pas, Victor. À Tunis. Non. À Alexandrie. Ouais, à Alexandrie, ça fait. Il est égyptien, Sissi Dalida. Ça fait 4 bobsleigh pour Kawan. Alors, quel est le vrai nom de Nagui ? Nagui. Son nom de famille ? Gina. Gina. Aucune inspiration. Aucune inspiration ? Vas-y. Aurière. Non. Bon, je vous trouvais pas. Du coup, cette question tombe à la poubelle. Indice. C'était Nagui Femme. F-A-M. C'est son vrai nom. Tu aurais pu nous donner des indices quand même. Ouais, mais c'était compliqué. Le pire, c'est qu'il l'a fait avec moi le quiz. Et du coup, il le savait. Alors, prochaine question, attention. Quelle est la profession de son père ? Menuisier. Vendeur de charbon. Comment ? Il est médecin. Non. Quelle profession ? Donne-nous un indice. C'est dans le domaine scolaire. Il est professeur en université. Oui, mais de quelque chose. Philo. De, non. Histoire ? Non. Droit. Sociologie ? Non. Droit. Lettres ? Non. Oui ? Non. Non. Bah si, anglais. Lettres, non. Comment ? Anglais. Anglais, non. Jacques ? Littérature, je sais pas. Non. D'égyptien. Non. Archéologie. Non. Maths. Non. Histoire. Non. Physique. Non. Lettres, vous étiez pas loin. Littérature. C'est gentil, mais vous voyez. Littérature. Grec. Non. Latine. Culture. Non. Littérature ancienne. Culture cinématographique. Littérature iranienne. Non. Culture cinématographique. Non. Littérature contemporaine. Non. Théâtre. Non. Littérature de mon cul. Literature of Egypt. Non. Mais... Bon. C'est chez nous quoi. Encore un indice. Littérature française. Du Nord. Nordique. Polytech. Non, faut lever la main. Littérature française. Voilà, littérature française. Ça fait trois marches. Ça fait six nains de jardin pour Simon. Oh, j'ai... Bravo Simon. Alors, Nagui ne s'entend pas avec certains chanteurs, il faut le savoir, notamment avec Desireless, parce qu'en fait, apparemment, elle a eu des propos racistes sur Nagui, en disant que c'était un arabe. Et du coup, c'est pas cool. Il a eu une petite embrouille avec le chanteur Ringo, que vous verrez un peu plus tard dans la soirée, un petit teaser. Et du coup, comment il l'appelle, sachant que c'est une insulte ? Comment il a quel sobriquet c'est Ringo ? Le corbeau. Quel surnom ? C'est une insulte. Connard. Le non. Vilain. Non. Le tocard. Ringard. Non, c'est quelqu'un qui est un peu bête. Dingo. Idiot. Ouais, c'était l'autre idiot. Ça fait 3 brindilles d'herbe pour Victor. Wow. Yes. Sur quelle chaîne ? Attends. Ah oui, parce que c'est des points à la zob en question, fait. Oui question du public, oui qui est moi. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'un marshmallow a la même valeur que 3 bobsleighs? Non, 3 bobsleighs c'est plus important parce qu'ils sont en or. Et les nains de jardin? Les nains de jardin ils sont petits donc c'est un peu moins important que même les brindilles d'herbe. Et les brindilles d'herbe c'est quoi? C'est le point de base. Pour avoir posé cette question, tu perds 6 bobsleighs. Oh merde. Moi j'ai toujours 2 marshmallows du coup. Non, parce que tu parles de tes points, du coup tu en perds moins 5. Mais j'en alors, que c'est pas grave, tu as moins 3. S'il en perd moins 5, sur quelle chaîne en fait. Sur quelle chaîne Nagui a fait ses débuts? C'est une chaîne de la TNT. M6. Non. Gulli. Non. TF1. Non. TF1. Non. W9. De la TNT, mais hors les grandes chaînes 1, 2, 3, 4, 5, 6. W9. Non. D8. Non. Gulli. Non. J'ai déjà dit. Arte. Non. TF1. Non. Hors 1, 2, 3, 4, 5, 6. LCI. Non. BFM. Comment? BFM. Non, pas BFM. RMC. Non. ITélé. Non. C'est pas une chaîne d'info. Pardon. RTL2. C'était la 17. Attends. Non. France 4. Non, c'est une chaîne du groupe TF1. Énergie 12. LCI. Non. TMC. Ouais, TMC, Télé Monte Carlo. TMTC. Bravo. Télé Monte Carlo, ça existe. Ouais. Ça te fait 5 bracelets. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes choses. Sur quelle chaîne a-t-il animé l'émission Clip Dédicace? M6. France 4. M6. Ça fait un point pour Denis Magique. Ça fait un lapin pour Denis Magique. T'as pas levé ta main. Oui, je sais. C'est comme la prochaine question. Attends, est-ce qu'on peut faire l'histoire? Attends. Regarde. Je dessine un nuage. Ah. Il est beau. Oui. Fais-le à Rémi. Merci. Ah, il est beau ton nuage. Il est beau ton nuage. Il est beau. Bâtard. Non, il est pas beau. Ah, il est pas beau. Ah, c'est moche. Merci. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Tiens, je te le donne. Merci. Ah, c'est magnifique, beau, c'est magnifique. Tu veux ? Merci. De rien. Je pense que tout le monde dit. C'est l'explication la plus naze du monde. Ah, c'est nul. Ah, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Pas alors, tout le monde est sur ces magnifiques dessins de nuages. Arrive la prochaine question. Attention. Non, mais tout le monde a compris que c'est pour apprendre la politesse aux enfants et aux personnes qui ont du mal. Du coup, dites merci à vos parents. Voilà. Et mais dites merci à tout le monde. Sinon, vous ne dessinez pas de beaux nuages. Voilà. Avec un crayon imaginaire. Quel est. Vous irez bien, en fait. Quel est le nom de la société de production de Nagui? Nagui Production. Non. Non. Nagui Production. Nagui Production. Non. Putain. Ça commence par un A. Non. Agui Production. Non. À Communauté Musulmane Production. Il a fait. Victor a un problème. Victor est raciste. En bémol avec un A. Non, c'est pas en démol avec un A. C'est un mot en 3 lettres. Abba Production. Aïe. Non. Alt. Non. Abba Production. Non. AK Production. Non. Assa. Non. Ama. Non. Ara. Non. Ali. Ali. Et non. Amo. Amo. Amo. Non. H. H. Non, c'est une série. Ça. Non, mais H. Non, mais H, c'est un prénom. Non, A. A. S. H. Oui, c'est un prénom. La deuxième lettre, c'est quoi? La deuxième lettre, je te dis pas. La troisième lettre, c'est quoi? La troisième lettre, je vous la dis pas. Mais après, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de lettres. Après la troisième lettre. C'est des chiffres après la troisième lettre. Tu me donnes un indice. Mais il y a production dans le nom. Voilà, il y a prod. Ouais. Non. App. Non. AVM Production. C'est aussi dans une marque d'avion. Allô. Air Production. Air Production. Bravo. Ouais, donc y a des mots après. Ça te fait 5 chandeliers. Ah, génial. Alors, Nagui a animé plusieurs émissions cultes. Pardon, tu peux Nagui a animé plusieurs émissions cultes, notamment N'oubliez pas votre brosse à dents. Quelle est l'année de première diffusion de cette émission? 92. Non. 83. Non. 93. Non. 85. Non. 2003. Non. 87. Non. 2026. C'est dans le futur, ça. Merde. Ça, c'est ce que tu crois? Elle n'existe pas. Si, si, elle existe. Ah. 94. Non. Ah, si, 94, je me suis gouré. Bravo, ça fait 5 enfants pour Rémi Magique. Ah non, t'as pas de chance. Je vais pouvoir les manger, c'est cool. On a déjà 12. les magiciens. Et dans, n'oubliez pas votre brosse à dents, il y avait une voix off. Et une brosse à dents. Une voix off très connue. Qui était-elle ? Qui faisait la voix off de N'oubliez pas votre brosse à dents ? Gérard Depardieu. La voix off de Energy Music Award. Alors moi, je propose un truc, c'est qu'on va faire comme les grosses têtes. Ah. C'est simple, on va pas débiter plein de noms comme ça, on va essayer de travailler en équipe et on va mener notre animateur vers une voie de la compréhension, tu vois, la masse, le communisme, tout ça. Europe Écologie Les Verts. La voix de Secret Story ? Non. Il t'a tellement pas écouté. Tous les auditeurs de droite viennent de s'en aller. La voix de Secret Story. Non ! Est-ce que c'est quelqu'un qui a aux environs de 30 ans aujourd'hui ? Non. Il est vieux ? Ouais. Plus de 30 ans. Il est connu. C'est une voix connue, c'est pour ça que j'ai fait cette question. Est-ce que c'est un chroniqueur de France Inter ? Non. Est-ce qu'il a travaillé dans le domaine de la télévision après et, et du cinéma ? Que de la télévision. Ok. Est-ce qu'il est connu pour autre chose que sa voix ? Oui. Vincent Lagaffe ? Non, pas Vincent Lagaffe et pas quelqu'un qui présente le JT. Ah. Est-ce que c'est un humoriste ? Non. Est-ce que c'est un magicien ? C'est pas Tex. Est-ce que c'est un magicien ? Non, c'est appelle pas un ami. Appelle à un ami ? Oui. On non, peut appeler non un... tu peux pas appeler un ami. Pas, parce que t'en as pas. Oui, c'est ça. La violence. Non, c'est mal. Il a une voix très particulière et il travaille encore actuellement à la télévision. Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir. C'est lui qui fait le téléachat sur M6. Au revoir. Tu joues pas. La voix du mec de téléachat sur M6. Non. Est-ce que c'est une femme ? Non, c'est un homme. Non, c'est pas le gars qui fait les sports. Ne tente pas de... Qui triche dans cette... Que présente-t-il en ce moment-là ? Alors, je peux vous dire qu'il a fait présenter une émission sur France 2 et après, il est allé sur TF1. C'est un animateur actuel de TF1. Jean-Pierre Foucault ? Non. Oui ? Christophe de Chavannes. Non. Jean-Luc Reichmann. Ouais, Jean-Luc Reichmann. Oh, bien joué. Bah, en même temps, il imite trop bien. La question go ! La question in ! Alors, et là, ça va être une question. Et du coup, il a gagné combien d'enfants ? J'avoue. Toi, t'as gagné 5 billets de Monopoly. Yes ! Attention, ça va être une question un peu compliquée. À 3% près, quelle était la part de marché de Nagui durant son âge d'or début 90 ? 34%. Non, plus. 62. Moins. 43. Plus. 50. 50. Il est à 53% de part de marché. Putain. Début 90. Sacré Lascar. Sacré. Lufia. Sacré Lufia. Oh, j'aime beaucoup ce sound. Cette musique. Donc son âge d'or, c'était début 90 quand il faisait N'oubliez pas votre brosse à dents. Tout ça. Quel talent, quel homme. J'espère que vous apprenez des choses sur Nagui grâce à ce quiz. J'ai gagné combien de brosse à dents alors ? Comment ? J'ai gagné combien de brosse à dents ? T'as gagné 17 peignes à cheveux. Cool. Alors. Et toi, vu que tu fais des blagues nulles, tu perds 3 enfants. Ils meurent dans un incendie. C'est génial. Un incendie accidentel ou pas ? Non. D'origine criminelle. Pas sûr. Il y a l'assurance du coup. Ouais, il y a l'assurance. Doudoudoudoudoudoudou. J'adore ce son. Alors, Nagui a une période un peu néfaste, malheureusement. Et il a quitté France 2. En quelle année a-t-il quitté France 2 ? 2003. Moins. 97. 98 ? Non. 96. Oh. Tu gagnes un signe. Du destin. Un signe. Un signe. D'accord, ok, un signe. Il n'y avait rien après. Et alors, s'il a quitté France 2, c'est pour aller sur une autre chaîne, bien évidemment. Et toujours en 96, hein, bien sûr. Sur quelle chaîne est-il allé ensuite ? France 3. Non. TF1. Ouais, TF1. Salaud. Tu gagnes 5 Thierry Gélardi. Ça, c'est cool. Oh. Oh. J'en voudrais dire du bien, moi. Je te l'échange contre 3 bobsleigh. Ah non, j'en ai moins 6, pardon. Moins 6 PO. Nagui. Ouh, teasing. Nagui a reçu un animal en cadeau lors d'un voyage. Tu peux pas répondre. Si. Quel est-il ? Un lama. Non. Un iguane. Ah, non. Une chèvre. Non. Un chameau. Ouais, un chameau. Merci à Jean du Jardin. Il l'a raconté Oh, tout le monde veut prendre sa place il n'y a pas longtemps. Un chameau. Et du coup, il l'a nommé, bah, il l'a laissé au Maroc, figure-toi. Et justement, tu peux toujours pas répondre. Il a pas fait quel est le nom de ce chameau? Trompette. Non. La flûte. Non. Aladdin. Non. J'ai l'impression d'être la tante bourrée à une anniversaire, quoi. Non, c'est pas un instrument de musique. Jean. Non, il a pas appelé Jean. Turlute. Non, il a appelé. Alors, je vous le dis, il a appelé Gustave. Non, c'est pas vrai. Il est bon, mon indice. Trompette. Oui, non, c'est pas un instrument de musique. Il est bon, mon indice. La gaffe. Non, pas la gaffe. C'est pas trompettiste. Un. Non. Raph, ah, il est oui, bon. Il est bon. Ah, voilà. Refais pour voir, là. Turlututu. Pipo. Mais Nagui, putain. C'est Nagui, il a fait quoi, Nagui? Mais ouais, les... Il a fait quoi, Nagui? Taratata. Le chameau s'appelle Taratata. Voilà. Rappelons que c'était le nom d'un chameau, du chameau Philippe. De Nagui. C'est le chameau de Nagui. On dirait une vieille histoire du... Mais vous vous souvenez-vous du chameau de Nagui? Attends, il y a un mec touchant. Qui est en train de citer les lettres, là. Et Axel. Et Axel, souple. Alors, on a un ingé son, quand il entend que c'est plus la musique, au lieu de me faire des signes pour dire « Eh, t'as laissé la musique, appuie sur pause », il met la lip. C'était un replay des chiffres et des lettres. Il a mis ça. Voilà. Alors, donc, Nagui a donc un chameau qui s'appelle Taratata. J'espère. Et on l'embrasse. Pensez à lui, ouais, on l'embrasse. Merci, Eve. Il est encore vivant. Je suis encore vivant. Au chameau. En parlant de Taratata, donc toujours... thématique taratatesque. En quelle année a été lancé Taratata? 2004. 2001. Non. 2009. Non. 94. Non. 2000. Non. 99. Non. 98. Non. 97. 96. 2000. 2000. Mais non. 2005. Non. 2002. Dorénavant, je dis plus ou moins. 2003. 93. Bah, il n'y a pas besoin, 93. Bien joué. Tu gagnes 18 pivoines. Super. J'ai une question. Quand est-ce qu'il a appelé son chameau Taratata? Il l'a appelé récemment. Je crois qu'il a eu son chameau en 2011. Et donc, l'émission existait déjà, du coup. Oui. Ok. C'est un petit clin d'œil. C'est sympa. Nagui. Alors, Nagui n'a pas fait. C'est pas l'émission qui prend le nom du chameau. Le mec est déjà pas con parce qu'il avait un chameau qui avait un truc qui rappelait un peu la musique. Le gars, il se dit je vais faire une émission. Bon, je vais faire la musique parce que je veux la paix avec le nom de mon chameau. Là, le mec, il a fait un brainstorming. Les mecs, j'ai trouvé le nom, c'est comme mon chameau. Eh, je voulais l'appeler. Mais ça fait trop de lettres. Et c'est quoi? C'est ABP Production? Non, c'est R. R Production. Ah oui, putain. Moi qui ai trouvé. Bon appétit. Bref. Nagui a tous les talents, bien sûr, et du coup, il s'est aussi essayé au cinéma. Ah oui, non. Vous n'êtes pas sans le savoir. Eh oui, il a doublé un film. Quel est-il? Non, c'est un film américain. Donc il fait un doublage. La voix de qui? Il a fait un doublage. C'est pas de la personne qui l'a doublé, mais c'est sur le film sur lequel il a travaillé. En plus, il me l'a dit. Est-ce que c'est un film qui est sorti il y a moins de 10 ans? Non, c'est un film qui est sorti pendant les années 90. Ouais. Je sais totalement c'est quoi. J'ai pas compris ce qu'il double. En fait, il double quelqu'un et tu dois trouver le film. C'est tu vois, c'est un film. Il joue un personnage principal. Il double le personnage principal. C'est qui, quel acteur? Ah, vous voulez l'acteur? C'est Tim Allen. C'est le mec qui a fait la voix de Woody dans Toy Story. Woody Allen? Non. Non. Il double Tom Hanks? Non. Mais la voix de Woody, c'est. Ah, c'est Tom Hanks. C'est la voix de Buzz, Tim Allen. J'ai dit des conneries. Bref. Film d'action, film... Non, alors je vous donne un indice, c'est un film Disney. Ah oui, mais Aladdin. Non. Aladdin. C'est un film, ce n'est pas un film d'animation, c'est un film live Disney. Mary Poppins. Non. Un film live. Comment? Pirates des Caraïbes. Non, c'est plus vieux. Attends, j'ai pas compris. Star Wars. Live, j'ai pas compris. Bah c'est avec des vrais gens, c'est pas un film, un dessin animé. Est-ce que c'est à nous quatre le film? Non. Ça c'est avec Lindsay Lohan. Non, c'est pas un film avec des animaux. Le flipper, c'est un... Si je vous donne le thème, vous allez trouver. Eh ben, donne-nous le thème. C'est un film de Noël. Non, c'est pas Disney. Je dis rien parce que je Chérie, sais. J'ai perdu les gars. Non. Non. Il y a Noël dans le titre. Non. C'est Christmas, du coup. Non. Non, c'est Santa dans la VO. Ah. Les Chinois ont sauvé Noël. Non. Il était film mémorable, c'est immanquable et savoureux. Une production savoureuse. Et non, c'est le film Super Noël. Et ouais. Personne ne connaît. D'accord, j'étais le seul à me martyriser avec la VHS alors. Ah bah. Mais il n'a pas fait que ça parce qu'il a aussi tourné dans des films français. Dans quel film de Michel Hazanavicius a-t-il joué son propre rôle? Nagui. Mais non. Sa vie son œuvre. Quel film Nagui, tu vois. Dans quel C'est un documentaire. Le grand détournement. J'ai voulu le faire devant l'émission. Nagui, les chamans et moi. Comment tu fais Chamal Magam, je suis Nagui. The Artist ? Non. C'est un film. 1717-1. C'est. Non. Non. Il con. Il apparaît dedans. Je sais. Ouais, mais on connaît le film au moins ? Bah, je pense que vous ne connaissez pas le film de Michel Hazanavicius. Non, moi je. Il m'a dit toutes ces questions et je suis incapable de répéter. Alors, c'est le premier film de l'ami Michel, c'est Mes Amis. C'était un film sur la télé où il joue son propre rôle. Ah oui, il y a Achaba dedans, non ? Oui, il y a plein de gens connus de la télé dedans. Il me semble que Durandal avait fait une vidéo dessus. Oui, c'est pour ça. Voilà. Voilà, voilà. Salut Durandal. Salut. On l'embrasse. On l'embrasse de chez lui. Il aime ça. Mais Nagui, il a présenté aussi. Dans Mes Amis, il présentait une émission de Canal+. En 99, quelle est-elle ? Oui, Simon ? Ah non, je faisais coucou à la caméra. Je peux répéter la question, s'il te plaît ? Vous pouvez répéter la question ? Alors, Nagui a présenté une émission sur Canal+, en 99. Quelle est-elle ? Le journal du Hard. Non. Tu sais que j'ai hésité à le dire. Non, mais il a repris... Sur en fait, quelle chaîne, déjà ? C'est sur Canal. Il a repris la place. Il a repris la replace de quelqu'un. Dans un film, du coup ? Non, c'est pas dans un film, c'est dans la vraie vie véritable du Montréal. De Coné Garcia ? Il y a De Coné Garcia dedans. C'est. Attendez. Le Petit Journal ? Non. L'ancêtre du Petit Journal. 20h dispétance. Le Moyen. Encore avant. Le Grand Journal. Non. Putain, c'est. Le Petit Journal et demi. Roland. Non. C'était présenté par Philippe Gildas. Mais oui, c'est présenté par Philippe Gildas. C'est là où il y a. De Coné Garcia. Putain. Ils font quoi dedans ? Papa, aide-moi. Mon père m'écoute, du coup. C'est mignon. Alors. Bon, je vous le dis, vous donnez votre langue au chat. Vous êtes pas bon, Nagui, hein ? Ah non. Mais si, mais je sais, moi. L'émission, c'était... Philippe Gildas. Philippe et Gildas. C'est un duo de magiciens. Et tout de suite, Philippe et Gildas avec le tour de l'assiette creuse. Ils font apparaître des portraits de la reine dans les assiettes. Et non, c'était Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, putain. Eh ouais. Mais Nagui, à l'aube, même plus à l'aube, mais au début des années 2000, il est revenu sur France 2. Plus vaillant que jamais, plus conquérant que jamais. Et il a animé une émission durant l'été 2004 sur France 2. Quelle est-elle ? Faut être vraiment fan de Nagui. Hein. Non, c'était une émission connue. Vas-y. Tout le monde veut prendre sa place ? Non, c'était les questions d'après ça. Je vous chante le générique en phrase. Tu peux faire un slam. Shabada. Shabada dada. Interville. Bien joué, c'était Interview. Shabalabalaba. Top à la vachette. Le ukulélé. Shalamanamada. Non, le ukulélé, il est trop loin. Alors, Taratata, donc c'est arrêté une fois que Nagui était parti de France 2, bien sûr. Hein, parce que. En plus, non, l'émission, pas le chameau. T'es vachement triste pour le chameau. Rémi, il a pas compris, il a fait genre. L'émission ou le chameau ? Et non, pas le chameau, il vit très bien le chameau, il mange son avoine, putain. Ça mange de l'avoine, un chameau. Ouais, et ça mange aussi des enfants. Fais gaffe au tien. Fais gaffe. J'ai oublié de faire les scores, là. Ouais, je pense qu'on est... On est à peu près tous à 15. Non, je pense qu'on est à tous, là, tous, en tant que vous êtes. On est à 16. Vous êtes à 12 grains de riz soufflé. Ça fait combien, un chameau ? Ça fait 0 chameau. Ça fait un taratata et demi plus un... Ça fait une bosse. Alors... Donc, non, c'est pas ça. Sur quelle chaîne Taratata est revenu dans sa version au Ribouteille ? France 4. Exactement, France 4. Tu gagnes 10 lacets. Yes. Et là, on arrive... Là, c'est Windu. Là, on arrive... Voilà, c'est la fin de la nuit anonyme. Yes. Durant l'été de quelle année, Nagui a lancé son jeu Magnum, sa pépite de pépite. Celui dont tout le monde parle, qui veut prendre sa place. 2006. Ouais. Bravo. Premier coup. Hey. Tu gagnes 5 duo carré ou cash. c'est... Oh, oui. Rémi Magique, c'est le plus gros fan de Nagui du monde. C'est un peu un magicien. C'est un agicien. Un agicien. Un agicien, pas mal, pas mal. Bravo. Oh oui, super, Gaudriol. Ouais, ouais. Alors là, c'est un peu de mime en même temps. Dans Tout le monde veut prendre sa place. Et dans toutes les émissions de Nagui, quel geste fait-il pour stopper les musiques? Yes. Allez, on fait le tous en même temps. 1, 2, 3. Voilà, bien joué. Tu gagnes 8 Brigitte Bardot. C'est très radiophonique comme question du coup. Comment ? C'est très radiophonique. Il y a YouTube. Oui, Kavan. Merci à Roman qui nous a donné l'une par ailleurs, mais avec les 30 secondes de décalage. Merci Roman. Merci à elle. Merci Roman. Applaudis. On l'embrasse. En plus, elle nous fait de la pub. On te fait des kissouilles. Comment s'appelle le jeu musical qu'il a lancé en 2007 ? N'oubliez pas les paroles. Exactement. Oh. Bravo. Oh. Je pense que tu vas avoir un trophée de Nagui, toi, parce que tu es un champion du monde. Nagui, gagné le chameau. Nagui, en plus d'avoir de cumuler tous les talents. Nagui Award. Non. Nagui Copter. Non. Il n'y a rien à Nagui System. Oh, elle est là, elle est là, elle est bonne. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Je peux arrêter la nuit anonyme. Je me suis lancé un peu reculant. Non. Il fait aussi de la radio, Nagui. Il a fait de la radio. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sur France Inter, entre autres, mais c'est pas la. France Inter, la matinale tous les matins. Bah, c'est une matinale, quoi. Il est 7h du matin. la matinale tous les soirs. Matins. Allez, salut. Putain. Il fait très noir cette nuit. Sur quelle radio a-t-il présenté le morning avec Manu Lévy? J'ai écrit Morning Live. Mais... Europe 1. Non. RTL. Non. C'est une radio qui a changé de nom depuis. Virgin. Europe 2, Europe 2. Europe 2. Yes! Europe 2. Avant Virgin, les gars, il fallait écouter Europe 2, les gars. Il y avait Europe 2. Tu gagnes 37 bigoudis. Yes. Bravo à toi. Oh putain. C'est pas mal. Prochaine question. Parce qu'en plus de faire tout ça à la fois, il a aussi joué dans des pubs, des publicités. Pour quel jeu a-t-il fait la publicité en 2011? Attention, il y a un piège. Un jeu de société ou C'est pas Nintendo's. Voilà, blanc. C'est pas Nintendo's. Non, mauvaise c'est réponse. Oui, c'est pas Nintendogs. Mais donc, bonne réponse. Nintendogs 4. Ah, non. J'ai pas... En quelle année tu dis ce en 2011. Pas... J'ai posé une question. Ce n'est pas Nintendogs. Est-ce Nintendogs? Nintendogs, dans ce cas, tu dis non. Ou n'est-ce pas Nintendogs, dans ce cas, tu dis oui. C'est Nintendogs. Excellent. Tu as gagné. Oh, putain, j'ai rien compris à ce que tu as dit. C'est Nintendogs? Oui, c'est Nintendogs. Voilà. T'as triché. Mais c'était compliqué. Non, j'ai pas triché. Non, c'était pas compliqué, c'est la réponse à oui, ouais, bravo, ouais, ouais, voilà. Tu gagnes 5 points d'incompréhension. Dernière question. Avant-dernière question. Déjà. Ah, ça passe vite, on tient non, pas en fait, je pense qu'il y a encore plein de questions. Après, derrière. On pourra débattre sur ça. Ouais, on peut faire un autre jeu après si vous voulez. On fait les mêmes questions, mais et on dans les coulisses, s'il y a des gens qui veulent venir, il y en a qui veulent bien laisser leur place. Hein. Ouais. Je suppose. Qui veut prendre sa place? Qui veut prendre Bravo. Ça a bien saturé dans le micro, c'est très très bien. Je crois que Pierre est mort. Ouais, il fait une sale tête. Notre empire. L'empereur. L'empereur. Empire. Empire. Ouais. Alors, Victor a un problème avec l'humour. C'est que il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Du coup, il n'a pas conscience de ce qui peut être drôle et ce qui ne peut ne pas être drôle. Du coup, et il rit comme une otarie. Va y avoir des spasmes. Vraiment, je pense que c'est maladif. Enfin, faut qu'il consulte, mais... des spasmes, une envie de parler, et ça se concrétise dans une verve assez médiocre. Dans une verge, je dirais plus. Voilà, exemple. Voilà, exemple, voilà, exemple par l'image. Et le son. Rodrigue. Question suivante. Qui, donc toujours pour la promo de Nintendogs, qui était l'autre star de ces pubs? Chuck Norris. Non, c'est une... chanteuse. C'est une chanteuse. Zelda Williams. Laurie. Non. Dalida. Zelda Williams. Non. Zazie. Non. Alizé. Non. Non. Bah là, je peux parler, là. C'est une chanteuse française. Désirless. Non. Bah non. Bah non, parce qu'elle est raciste. Indila. Non. Une chanteuse, j'ai dit. Tu peux répéter la question. Dalida. Avec quelle autre personnalité a-t-il participé à la promo de Nintendogs en 2011? Chaim. Non. Est-ce que c'est une vieille personne? Ça te fait casser jeune... la gueule, hein, cette question. Jeune personne, c'est ou parce personne que Shime elle est tombée. Et du coup, ah oui. Ah oh ouais. Prends exemple Victor. Que jeune ou chanteuse ou vieille chanteuse? Jeune. Jeune. Je vais dire Ilona Mitressi, mais c'est plus juste pour que tout le monde se rappelle d'Ilona Mitressi. Oui. Laurie. Non, pas Laurie, ça a déjà été dit. Madonna. Pardon. Non, une chanteuse française, monsieur. Zaz. Non, une chanteuse. Tu t'imagines Madonna faire une pub pour Nintendo avec Nagui. Trop bien. Je sais, Tal. Non. Merde. Je ne sais pas. T'as loupé ta question. J'ai loupé ma réponse. Non, ça non, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a dit t'as loupé ta question, t'as loupé ta réponse. Voilà, c'était tout. Non, mais c'était Tal. Oui, je sais. Le jeu de mots. Oui, je sais, Tal. Il t'a dit j'ai loupé ma réponse. Oui, mais laisse tomber. Il a dit Tal, t'as loupé ta question. C'était t'as loupé ta réponse. Mais non, parce que tu as posé une question. Tu as dit Tal, point d'interrogation. Donc c'est une question. Bim dans ta gueule. Oh, vas-y. Ouais, je l'accepte. Non. Alors, je vais donner un dernier indice. C'est une chanteuse bretonne. Le Noël Leroy. Ouais, ah, Le Noël Leroy. Ça te fait 10 couscous royal. Ah merde. Garbit ou pas? Ouais, Garbit. Partage. La base. Et en 2011, là c'est la der. C'est ce. On s'en rappelle. Là c'est. Une minute pour la. Là si vous répondez correctement. Triche pas toi. Je triche pas. Mesquin. Si vous trichez. Celui qui trouve. Il devient officiellement le fan number one de Nagui ici. Il est à la place du champion. Ouais, il a la place du champion. Je remets la musique. Il gagne le chameau. Ouais. Mets la musique. Mets le générique de Taratata, s'il te plaît. C'est 97. Non. On peut. La question parce que j'ai pas bah attends, j'ai pas encore posé. J'attends que tu mettes la musique. C'est pour ça que Victor a répondu. Mets-nous le thème. Humour. Le Taratatème. Cool. Taratata question. T'as rataté la question. C'est pas une question. T'as loupé ta blague. Non, lui, t'as pas. T'as rataté. Ouais, ta il a des manies, manana, tout ça. Hein. Donc, on rappelle ce thème composé par Jean-Jacques Goldman. Ah, Air Production. Vous êtes prêts? En 2011, il reçoit une distinction française. La Légion d'honneur. Laquelle? La Légion d'honneur. Non. La médaille du mérite. Non. Il l'a reçu, mais en 2013. Ah. Le mérite agricole. Ouais. Et le mérite chameau. Quoi? Ah merde, bravo. C'est pas le mérite agricole. Mais si. Mais c'est les mecs à le salon de l'agriculture qui ont ça. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils foutraient là-bas? Je sais pas. Il y a la triche. Ça s'appelle de l'humour. Ils l'ont donné à Karine Le Marchand. Ils l'ont donné à Karine Le Marchand. C'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Une distinction particulière. Non, c'est aux gens. Je pense que. Un Oscar. Non, c'est une distinction typiquement française. Par exemple. La Croix de Fer. Non, c'est Marion Cotillard, elle l'a. La Croix de Fer. C'est typiquement français, ça c'est sûr. Le mec, il vit en 34, quoi. Citoyen du monde. Non, c'est pas ça. Mais c'est lié à quoi? Il a fait quelque chose d'important? Bah, c'est pour l'ensemble de sa carrière. Pas à la télé ou... Ouais, à la télé. Donc c'est un lien avec la culture. Le Nagui Award. Non. Chevalier de la culture. Non, c'est pas c'est chevalier mais pas de la culture. Il fait chevalier adoubé. Des arts et des lettres. Chevalier des arts et des lettres. Exactement. Ouais. Bravo. Le magicien. Denis Magique. Kumba Stich Kumba Badge, il est bon. Hein. Tu deviens gagné le chameau. Tu as gagné cette première édition du Nagui Quiz. Je pense que tout le monde peut l'applaudir chaleureusement. Et la soirée n'est pas finie, puisque Nagui est là. Non, c'est Salut. Non, c'est l'empereur. Ils sont roux tous les deux. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce Nagui Quiz. Bah maintenant, on fait quoi? Parce que t'as une heure à combler. Et si on parlait cinéma? Bah, il y a 20 minutes à meubler. Je veux bien. Et si on changeait de place? On peut changer de place. Comment ça, on change de place? Tout le monde change de place. Je sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous joue une chanson? Oh oui. Oui, s'il te plaît. Allez. Bah, le générique de Taratata. Est-ce que tu peux le début, enfin le thème, soit Nagui, ta chanson. Ah bah, une impro. C'est Nagui. Un peu copié sur leur défi. Hein. Nagui. T'as pas le droit de préparer mon quiz. On va faire un canon. Alors Simon et Jacques, vous allez dire Nagui, Nagui, Nagui. Nagui. Et moi je fais quoi? Nagui. Et moi je fais quoi, Victor? Victor, moi je fais quoi? Et Kawan fait Nagui, Nagui, Nagui. Non, je vais faire. Et nous on fait Nagui, Nagui, Nagui. Vous êtes tous prêts? Nagui, Nagui. Et nous on va faire Nagui, Nagui, Nagui, Nagui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un la, s'il vous plaît? La. Merci. La. C'est parti. 3, 3, 4. Je vais lancer les canons. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Nagui. Le meilleur présentateur de tous les temps. Nagui. On t'aime. On t'aime. On te chérit même. Nagui. On t'aime, Nagui. Sa place, mais oh, tu es là. Nagui. Nagui, on t'aime. Nagui, c'est pour toi. Nagui. Yeah! Je pense que Taratata peut être fier de nous. Est-ce qu'on pourrait faire une chanson maintenant intitulée Taratata, s'il vous plaît? Tu veux faire une chanson? Alors on va faire un truc complètement différent. Vous allez dire Taratata, Taratata, Taratata. Non, c'est un son, s'il vous plaît. C'est trop chiant. On dit pas Taratata, Taratata. Taratata. Pour tous les chameaux qui nous écoutent, pour les tout une bosse qui nous écoute. RPZ. Yeah. Chameau. Taratata. Chameau. Taratata. Chameau. Taratata. Chameau. Taratata. Chameau. Taratata. Taratata. Taratata. Les chameaux, on les aime bien. Les chameaux, on les aime bien. Les chameaux, on les aime bien. Chameau, on les aime bien, chameau, on les aime bien, chameau, on les aime bien, chameau, on les aime bien, j'imagine les mecs à qui leurs potes leur envoyaient « Tiens, écoute ça, c'est super intéressant !» Et là, ils me voient si débile en train de chanter une chanson sur les chameaux. Taratata, taratata, on t'aime, on t'aime, taratata. On t'aime. Ça va le son ? Il nous a coupé, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, à écouter, mais... Est-ce que c'est le tube de l'année ? Le signal est propre. Ah, des voix, ouais, mais c'est parce que t'as pas de goût, ça. Merci, l'empereur. Merci. Ouh. Comment ? J'ai un jeu. Vas-y. Raphaël, ah. C'est deux portes-savons qui discutent. C'est deux portes-savons qui se disputent, qui se discutent. Bah, ça mousse pour moi. Hein ? Ou, attention, ça glisse. J'ai pas compris. Alors, on va vous expliquer. C'est difficile à comprendre. Explique le jeu qu'on nous a volé. Faut trouver une oui, déjà. Déjà, Golden Moustache, il nous pique nos jeux. Voilà, donc le problème, on a un problème avec Internet. C'est donc les gens qui ne sont pas anonymes comme nous, vu que c'est la nuit anonyme. Eh ben, les gens d'Internet ont tendance à piquer, à refaire en live, aux yeux de tous, les jeux qu'on fait dans nos petits yeux cachés. Et du coup, on est un peu déçus. C'est alors, on va jouer au jeu que nous, on a inventé en même temps qu'eux, mais que maintenant, tout le monde va croire qu'on l'a piqué à eux. Alors qu'on l'a inventé. Alors qu'on l'a inventé aussi. Mais c'est quoi le jeu ? En gros, vas-y, explique. Ouais, c'est méchant. Moi, je suis trop dingue. En fait, le jeu, c'est... En plus, on va y jouer même pas deux minutes, mais c'est... Je dis à quelqu'un, c'est... Un truc et un truc qui discutent. Il, lui, va devoir inventer sur le moment présent un jeu de mots avec l'ustensile ou la chose nommée. D'accord. Exemple, c'est deux cendriers qui discutent. Il y en a un qui dit « Non, mais tu vas descendre oh. !» Oh. Ou alors, fais gaffe, tu mets le feu aux poudres. Pas mal. Ah, attention, tu vas te faire fumer. J'aime bien le jeu. Voilà. Victor, c'est deux chameaux qui discutent. Il y en a un qui dit... Ouais. Alors, moi, j'ai une devinette, si vous voulez. C'est trois nains qui vont à la mine. Oh, il se prend la tête. Non. Ah, c'est putain. Bon. Non, c'est trois nains. Et tu connais la deuxième partie ou pas ? Alors, est-ce que tu sais où est-ce que vont les poules en hiver ? À Liverpool. Liverpool. Oui. Non, mais est-ce que tu connais la deuxième partie de cette blague avec les nains ? Un marron. Alors, pour rentrer chez eux, ils doivent traverser un champ. Et là, il y a l'agriculteur, il arrive... Et il pète un câble parce qu'ils il en a marre que les nains passent à travers son champ. Alors les nains doivent faire le tour du champ. Et là, il y a un flic qui arrive et qui arrête l'agriculteur. Sens, je comprends rien. Pourquoi ? Je sais pas, il est arrêté pour détournement de mineurs. J'ai compris, c'est mais c'était pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. C'est un mec qui rentre dans un café et puis plouf. Le hockey. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans Mathias, une table. Mathias, t'as une blague? Ouais, j'ai une blague, elle est bonne. Ah, vas-y, viens. Mathias, il a une bonne blague. Mathias, il a une bonne blague, ce qui est assez rare. On va se gosser. Je pense qu'il bluffe. Tu prends tous les mics à la fois. Bluff, Marconi. Marconi, carrément. Marconi. Marconi. Inspecteur et pâtissier. Marconi. Marconi. Est-ce que tu Marconi? Oh. Mathias. Bah, c'est Wingo. Silence total. Attention, silence. Donc, c'est un mec qui rentre dans un bar. Ok, je sais pas, vous me suivez. Ouais. Non. Compliqué. Ouais. Recommence, bon. S'il te plaît. C'est non, un mec, doucement. Hein, déjà, ça dure longtemps, s'il vous plaît. Ouais, l'interrompez chiant. Pas. Ouais, il va mettre deux ans à la raconter. Donc, il dit, est-ce que je pourrais avoir une 16, s'il vous plaît? Quoi? Une 16. Ouais. Donc la serveuse, elle dit, ouais, une bière. Fait. Non, non, une 16. Il a tellement raconté. Je la refais. Mais je la refais. Mathias. Laisse-le finir. Une 16. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Il avait deux mots à faire. Deux mots. Non, non, je peux pas le laisser. Ah, si, laisse-le, laisse-le, laisse-le. C'est marrant. Ça fait partie de la blague. J'adore ta blague. La serveuse a fait une Heineken. Non, non, une 16 pour m'asseoir. Oh. J'adore ta blague. Ça se voyait peut-être pas, mais il était mort de rire. Ah, ouais, non, mais il était hilar. Même le dos était mort de rire. C'est pas sympa. Je pense qu'il a fait mourir de rire Internet. Au moins. Internet, on a perdu trois visionnages au moins. La team Mathias. Bon, bah, on n'oublie pas de mettre. Et en fait, un petit récap commentaire, Kawan. Un récap commentaire. Ah, oui, bien sûr. Bah ouais. Alors, qu'est-ce on commente les commentaires. La compagne de Mathias a dit bonjour à sa belle-mère. Donc c'est très poli. Bonjour madame. La mère de Mathias a répondu par bonjour bip. Et oui Nicolas, il fait presque beau à Bordeaux. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pendant leur fille, alors je vais pas peut-être vous l'avez fait non, vous avez pas fait de points. Alors il n'y a pas eu de points, alors un moment ça a parlé de dépression et chocolat par Marc Gaillery. Voilà. Marky. Gary. My Gaver. Marky Mark. D'accord. Mark. Common, common. Common, common. Alors, qui a surenchéri en disant merci, je vais fuir pour aller voir un nanar digne de ce nom? Qui a dit ça? Avec une Marc Gaillery. Ah bah. Marc Gaillery. En fait, alors, on l'embrasse pas? Si, si, on l'embrasse. Et c'est aussi, je vais l'annoncer, c'est le plus productif dans les chat. Commentaires. Donc, ah oui, vous allez revoir son nom. Donc, on va l'appeler Marky Mark. Commande, commande. Il y a un commentaire qui est apparu. Vous me prévenez que Guéry. Pierre. Ah, Pierre. Pierre, le marquis. Ah, marquis. Le marquis. Oui. Bonjour, marquis. Et il a dit sympa le canapé. Pourquoi le marquis? Parce que. Le marquis. Parce que le marquis. On te fait une dédicace, le marquis. Ah oui, il y a eu un Kawan, je t'aime aussi. Voilà, je l'ai casé comme ça, personne n'a entendu. Si, si, Kawan, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est long. C'est long. Alors, à 14 ans, j'ai rencontré un jeune maout du coup qui promenait ses élèves. Ah, ah, ah. Non. On me dit que en running gag est usé. On peut annoncer les prochaines. Alors, personnes. C'est deux canapés qui discutent et ben. Il y en a un qui lui dit, je connais une blague, tu vas être plié. Ah. À toi du coup, Benesti, joue Bernstach. Ah, Mathias, on a une autre. C'est deux œufs dans une poêle. Il se marre. C'est deux œufs dans une poêle. Il y en a un qui fait. Pfff, il fait chaud ici. Oh et l'autre. Mon Dieu, un œuf qui parle. Yeah. Alors moi je connais. Moi j'ai une devinette. C'est deux morceaux d'ADN dans une phase de réplication cellulaire. Il y en a un qui dit à l'autre. Eh mais pousse-toi, tu me gênes. Ouais, parce que c'est gêne, mais ça faut comprendre. C'est gêne, c'est une blague de S. Merde, j'ai une devinette. J'ai une devinette. Ah, attention. Attention. Qu'est-ce qui est pire Mathias. Qu'un asticot dans une pomme? Deux asticots dans une pomme. Une pomme dans un asticot. Non. Deux asticots dans une pomme. Non. Marine Le Pen. Non. Si. Oui. Il a raison. Si, il a raison, c'était ça. On a dit par politique. Tous les auditeurs du Front National viennent de se casser. Ah merde. Ta blague. On n'est plus qu'à deux personnes. Tout le monde s'est cassé. Alors ta blague. Un asticot dans le maire de Montélimar. Non. Oui. Critique pas Montélimar, toi. Bah c'est bon, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Ouais, bah. C'est Béziers en plus. Qu'est-ce qui est pire qu'un asticot? Non, mais c'était pas une blague politique, c'était une blague absurde. Un asticot dans ton cul? Non, c'était un holocauste. Ah oui, effectivement. Bien sûr. On était pas loin avec Marine Le Pen quand même. Et je trouve que vous êtes un peu antisémite. Les femmes. Les femmes et l'humour. Ça va crier dans l'autre salle. Alors. Alors Raph, tu accordes, mais c'est ton heure du coup. Moi, mon quiz il est fini et je pense qu'on peut les prochaines personnes. Quelle est la différence pour le Stéphanie Time? Non, il reste 10 minutes. Différence entre non, un il pigeon. Est 55. Ah putain, j'allais la faire. J'aime bien griller les blagues des gens. Non, non. Quelle est la différence entre une poêle et un arbre? La queue. Ça l'a trop fait marrer. On peut pas faire cuire un œuf sur un arbre. Ouais. T'as pas de pomme qui pousse dans une poêle. J'arrive pas à ranger les arbres dans mes tiroirs à la cuisine. Non. C'est chiant. Je sais pas si mon père écoute, du coup j'ai pas envie de dire de trucs de cul. La question. Vas-y, je t'en prie. Non, non, je dis rien. Rien qui implique un. En fait, les deux se ressemblent, surtout la poêle. Ah, voilà, t'es presque. Mon petit filleul. La poêle, c'est pas un arbre. C'est quoi la question, la différence ou le La différence entre une poêle et un arbre. La poêle, la couleur du manteau. Un arbre, c'est un arbre. La couleur du manteau. Bah, t'es presque là. T'es presque. Okay. Les deux sont en fer, sauf l'arbre. Ah ouais, ça j'adore. Je commente les blagues. Jean-Michel commente les blagues. J'ai pas compris. J'adore. Bah, c'est quoi la différence entre une poêle et un arbre? Les deux sont en fer, sauf l'arbre. Victor et l'humour. Là, on est retourné dans. Il y a eu l'écran bleu. C'est absurde. Tous les trois, on redoute. Attends. Cette zone de gêne. Cette zone de gêne qu'on redoute. C'est-à-dire que Victor, des fois, on fait des blagues, il ne comprend rien. C'est... Ça va être la minute explication. Regardez, il est perdu. Il est perdu. Ok, du coup on continue. Non, attends. Si. Non, faut trouver. Il faut expliquer à Victor la blague. Ça va être compliqué là. Est-ce que tu as compris? Bah non, j'ai pas compris. Je me vois vraiment pas C'est ça. De l'humour absurde. Bon, alors, on est reparti pour une heure et demie. C'est une poêle et un arbre. C'est une poêle et un arbre. Est-ce que tu Quelle est la différence entre une poêle et un arbre? Déjà, tu vois la différence entre une poêle et un arbre déjà pour ça. Ouais. Bon, et ben il y en a. Il y a l'arbre, c'est il y a du bois. La poêle, c'est du fer. Ouais. Donc il y a pas de différence. Tous les deux. Il y a pas de différence. Non, il y a pas de différence. Tous les deux sont en fer, sauf l'arbre. Bah non, l'arbre il est pas en fer. Bah justement, c'est ça qui est drôle. Bah, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est pas une blague. C'est une non blague. La partie est absurde. Mais si, c'est la. C'est la no reason. Non mais voilà. Une blague, c'est. Une blague, c'est plus ce genre. Pourquoi est-ce que les Romanichels ils ont beaucoup de. Pourquoi ils ont pas beaucoup de mémoire? Parce que Kenji. Non, parce que c'est des Roms. Oui. Voilà, ça c'est du mot. Ça, je suis désolé, ça mais c'est de l'humour. Ça. Qu'est-ce qui est vert et qui a des roues? Un roux vert? Non, de l'herbe. J'ai menti pour les roues. c'est pas drôle. J'adore ce genre de blague. Le mec, il comprend. Quel est le point commun entre une mouche écrasée sur le dos d'une vache et une femme enceinte? Il n'y a pas de point commun. Si, non, ça, y en a. Les deux se sont prises un coup de queue. Oui! Oh on commence Attends, c'est quoi, est-ce que coup, c'est mademoiselle.com, Mathias? Moyen. Je suis pas d'accord. Attends, micro, mon micro déborde. Pas d'accord. Est-ce que vous savez pardon papa. On embrasse son père. On élève un peu le niveau. Est-ce que vous savez pourquoi Zéro perd toujours ses débats? Zéro. Parce qu'il est nul. Parce que Zéro t'es. Parce qu'il n'a pas d'argument. Encore des blagues mathématiques. Allez salut. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, dans un plan complexe, zéro, c'est l'origine. T'as dit complexe, donc, c'était tout. C'était le mot de pro. Trop complexe. Il n'a pas d'angle, voilà. C'était sinon, très très drôle. D'accord. J'ai un quiz, c'est un vrai ou faux? C'est deux jeunes filles de 15 ans. Faux. Elles regardent LOL et elles s'identifient au personnage. Faux. Voilà. Continue. J'en ai un. C'est un couple, ils regardent scène de ménage et ils comprennent pas. Vrai. Ouais. Moi j'en ai un autre. Les profs de. Ah ouais, faux. Faux. Faux. Ouais, j'en ai un moi. Vous êtes dans l'absurde. On comprend pas. Peut-être je vais mettre Norman. Ma main sur mon visage. Non. Faux. Oui. Merci. Petit blanc, pardon. Blague grivoise. Non, c'est. Non. On tombera pas dans cet écueil. On n'est pas comme faire. Ça, nous, monsieur. Non, monsieur Elliot, non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une nuit. Non. Arrêtez avec vos simagrées. Alors, quel est le point commun entre un ascenseur. Une femme. Non. C'est que en fait quand tu fermes le volet, bah ça fait question. Du bruit. What? Non, c'est les deux sont en fer sauf la femme. C'est. Ça craque totalement. C'est fait pour monter et descendre. Ça tombe souvent en panne. Oh. On n'est pas loin. C'était oh, limite. Oui. On n'est pas loin. Ah oui. Tu mets le doigt où t'habites. Ah. Ça, c'était marrant. Ça. Pardon, mesdemoiselles, pardon, mesdames, pardon, papa. Et après, on m'emmerde. Je m'en fous, mes parents sont partis se coucher, je peux me lâcher. Comment est-ce que les portugais, elles... Allez, blague raciste. Allez hey les poils. C'est un arabe et un juif, ils rentrent dans un bar. Le barman, il dit, c'est pour une blague. Oh. Donc, comment est-ce que les portugais, elles appellent le vagin? Les clouches. Oui, parce que c'est pas là que le pénis y passe. Ouais. La blague ouais. raciste. La blague raciste, on applaudit la blague raciste. On aime ça, la blague raciste. Est-ce que vous savez... Attendez. Non. Bah, ok, ouais. Est-ce que vous savez... Non. Quelle est la couleur du cheval blanc dans la case? Noir. Vert. Non. C'est pas avant. Jaune. Il est aveugle, du coup, il sait pas. Bah non, il est blanc. Quelle est la couleur du cheval blanc dans Henri IV? En c'est fait, la couleur du... non, mais je sais pas s'il le fait exprès ou s'il le fait surréaliste. Il le fait exprès. Putain, c'est pas possible. Non, c'est... attendez, je cherche ma blague. Le public c'est est dépité. C'est la question humour de l'émission. Quoi. C'est le comic relief. Relief. Et je suis désolé, pour l'instant, c'est le seul qui a pas fait de blague raciste ou fait anti-fi. Quel est le point Quel est le point commun entre les épinards et la sodomie? Oh non. Non. Mais c'est un truc avec du beurre, non? Oui. Prêche, ouais, mais les enfants, ils aiment pas. Même avec du oui, beurre. Oui, bah les prochains arrivent. Les prochains peuvent arriver. Les gens du Stéphanie Time, les Stéphanois peuvent venir. En tout cas, merci à tous d'avoir participé au Nagui Quiz, cette petite séance de blagounette. J'espère que vous avez appris des belles choses et que vous direz que pensez Nagui pour est un chameau. Chameau taratata. On fait peut-être une dernière... Moi, je vous propose de terminer ce Nagui chanson. Quiz et cette heure en sur une chanson. Allez, tu veux une chanson? Oui, s'il te plaît, oui. Et ça fait saut il y a 20 minutes. On va faire un canon avec tout le monde qui dit n'importe quoi. Donc on dit... N'importe quoi. Du coup, on dit n'importe quoi. Victor, t'as compris? Parce qu'on a chanté n'importe quoi. Parce que t'as dit de dire n'importe quoi. C'est pas blague. Et non, je dis vague. Vague. L'aime, c'est vrai? Ouais. L'aime. Alors, Cristaline. Staline. Le thème, ce sera Staline de la chanson. On dit tous Staline. Staline. Staline. Staline. Moustache. Staline. Staline. Moustache. Staline. Poil et un arbre, c'est pas pareil. Moustache. Le communisme, c'était bien il y a 50 ans, Staline. Même un peu Staline. avant qu'il tue les gens. Staline. C'est pas Staline. Le communisme, Staline. Ça n'a jamais Staline. Été Staline. Oh, Staline. Oh, oh, oh, oh, oh, Staline. À un moment, j'aime Staline. Le pognon. Staline. Le communisme, oh, oh, Staline. Ça fédère les gens. Staline. Mais Staline. Staline. On t'aime, Staline. Staline, on t'aime. Staline, on t'aime. Merci Staline. Merci Staline. Et regardez, il y a Staline qui arrive. Merde, le goulag. Merci. Yeah. Alors, est-ce que je peux faire des blagues pendant que tout le monde est en train de partir? Ouais, vas-y. Alors, c'est un mec qui a 5 bits. Chut. Par contre, et son slip, il va comme un gant. Alors, c'est un mec qui a 5 c'est qui a 5 bits et quand il met son slip, il va comme un gant. Alors, vous n'avez pas entendu, tant mieux, parce qu'il y a des mineurs qui nous écoutent. Alors, on n'a pas le droit de faire des blagues. Des mineurs, on est en sécurité. On n'a pas le droit on pas de faire des blagues. Ok, je m'en vais. Vas-y. Rage quit. Salut. S'il vous plaît. Chut. Est-ce que je pourrais avoir le silence? S'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Voilà. C'était la fin. C'était l'heure du Nagui Quiz, l'heure de Raphaël. On a beaucoup appris. C'était un peu mal meublé. C'était un peu mal meublé, mais en même temps, tu sais, quand on n'a pas beaucoup d'argent, un canapé, même pas, un ami, et ça nous suffit. Donc c'était peut-être mal meublé, mais en tout cas, il n'y avait que des amis à cette table.